une rivière d'émotions. L'éternité sans jamais se demander. Ne viennent se planter. Je la vois, je l'aime, je la. Une fenêtre.